Bonjour à tous, bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2010 et c'est l'épisode numéro 20. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Lucas, bonjour bonjour William, excuse-moi, justement c'est un petit lapsus révélateur. Bonjour à la chatroom, justement je voulais dire, Lucas ne sera pas là aujourd'hui, il a eu un petit problème de dernière minute, enfin je crois qu'il doit passer des partiels ou quelque chose comme ça, donc on lui souhaite bon courage, et du coup bonjour William, excuse-moi, comment ça va? Salut, ça va très très bien. Oui, notre petit Lucas n'est pas là aujourd'hui. Ouais, on espère qu'il reviendra vite et qu'il va bien s'en sortir avec ses partiels. Donc, on est en petit comité dans la chatroom, mais ça fait toujours plaisir de vous voir tous. Alors, merci à vous. Aujourd'hui, une émission qui va finalement peut-être pas être si courte que ça, en fait, quand je regarde tout ce qu'on a préparé. Mais beaucoup de sites, en fait, des petits sites avec pas grand intérêt, en tout cas pour ceux que je vais moi présenter. Mais qui font passer le temps et qui sont plutôt drôles, alors ça risque d'être une émission plutôt sympa quand même. Un petit mot à ajouter avant qu'on démarre l'émission, William ? Je ne sais pas sur la longueur en fait, parce que c'est quand même des petits projets, je vois par exemple surtout ceux par rapport à Twitter, donc ouais, on verra. Bon, donc on va tout de suite se lancer dans la section projet. Donc Will, tu vas commencer avec Some Lemonade. Ouais, donc Some Lemonade. Donc c'est un petit site qui va regrouper la plupart des réseaux sociaux. Alors il n'y a pas Facebook, mais il y a Twitter, Tumblr, Picasa, YouTube, Vimeo, donc tout ça. Et qui va les agréger, et les mettre sous forme finalement de feed, c'est-à-dire de... comme on peut avoir sur Facebook ou Twitter, c'est-à-dire les messages qui vont arriver au fur et à mesure. Et là, ça permet de tout rassembler, de les avoir tous les uns après les autres, finalement, sans avoir besoin de se connecter à chaque site dans chaque onglet séparément. Mmh. Et il y a les petits paramètres pour filtrer, pour organiser un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc moi, je n'ai pas vraiment testé parce que c'est... je n'ai pas tous ces services-là. J'ai que Twitter, en fait. Donc je ne peux pas vraiment l'utiliser à fond. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathieu ? Je ne l'ai absolument pas testé. Comme je l'ai dit, je suis arrivé un peu à la bourre sur cette émission. Mais donc, si je comprends bien, ça te fait un flux unique en fait, de tous tes réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, voilà, de la plupart. Après, ce n'est pas de tout, quoi. Dans la liste qui était marquée en bas du site, y a quand même les principaux. En fait, moi, ce que j'aime pas dans tout ce qui est... En fait, c'est le même principe que quand on utilise une application... les clients Twitter qui maintenant intègrent aussi Facebook et d'autres, d'autres réseaux sociaux. C'est que le principe de fond, justement, d'avoir des réseaux sociaux différents, c'est que c'est pour des utilisations différentes, avec des communautés différentes et dans des cadres différents. Et en fait, là où moi, je vois pas d'intérêt, par exemple, à utiliser... un client Twitter qui regroupe en même temps Facebook, c'est que finalement, c'est deux choses complètement différentes, en tout cas pour moi, en termes de communauté, de personnes avec qui je communique et tout ça. Et du coup, je vois... la différence est si grande que j'aime pas mélanger les flux ensemble. Donc, je sais pas si c'est le cas pour toi. Alors, aussi. Je vois ce que tu veux dire, en fait. Ouais, je suis assez d'accord sur ton point. Mais là, en fait, je pense qu'ils ont aussi fait un choix, en fait. Parce que, par exemple, Facebook n'est pas intégré. Je pense qu'ils ont fait un choix des services parce qu'on voit par exemple Flickr, Tumblr, Picasa, Vimeo. Donc tu vois, c'est vraiment sur l'aspect image, vidéo, enfin un petit peu, tu vois, du contenu multimédia, vraiment les choses, tu vois, qu'on va consommer comme ça avec un feed Twitter, mais même si Twitter vraiment n'a pas de tu uploades rien sur leur serveur. Ouais. Cela dit, il y avait Facebook dans les différents services proposés. Non, pas sur Some Lemonade. Ah, bon, je me suis trompé en le voyant. C'est pour ça, en fait, il est peut-être aussi un peu plus ciblé, justement, sur ce côté multimédia. D'accord. Dans ce cas-là, éventuellement, ça commence à répondre à mon problème. C'est pas juste un bête, Donc, en fait, moi, ce qui me déplaît plus, c'est vraiment les clients qui regroupent des réseaux sociaux différents. Effectivement, dans le fond, si c'est orienté multimédia et même presque orienté uniquement photo, parce que c'est principalement ça ce que j'ai l'impression de voir, Ça a peut-être un intérêt parce qu'effectivement, ça, il y a souvent. Après, comment les événements, est-ce que certains postes sont parfois redondants en fait sur les différents services qu'on a et comment ils gèrent ça? Ça, c'est à voir parce que finalement, je sais que quand on utilise, j'en sais rien, Flickr et un autre service pour mettre les photos, parfois on suit les mêmes personnes qui postent les mêmes choses sur Ouais. sur différents réseaux. Et si on utilise justement un agrégateur de flux comme celui-là, on risque en fait d'avoir 5 fois le même poste sur trois, enfin dans son flux d'affilée. Et je ne sais pas comment ça s'est géré et comment, enfin, tu l'as pas testé au point de savoir. Non, ça c'est pas géré en fait. Puisque bah tu peux pas te permettre de filtrer ce que les gens vont dire, et c'est justement le problème. Et c'est un petit coup de gueule sur The Bully d'ailleurs. Il est vilain parce qu'il poste la même chose sur Twitter et sur Facebook. Donc je suis deux fois ces infos. Voilà, mais en gros, c'est un peu, enfin, c'est l'exemple de ce que je dis quand je dis que j'aime pas le fait qu'on fasse des agrégations, c'est que du coup, Y a de la redondance. on peut avoir de la redondance. Voilà, voilà, Voilà. voilà. Enfin bon, Some Lemonade, si vous avez envie d'utiliser plusieurs, enfin, si vous utilisez plusieurs de services de photo sharing. Et que vous voulez regrouper un peu vos flux d'actualité. Moi, je vais enchaîner avec startupfollower.com. Alors, c'est un site, en fait. Alors, moi, ça me plaît bien. C'est un site qui vous permet de suivre l'actualité des startups, en fait, en sélectionnant donc dans une liste qui est très, très complète, enfin, à mon goût, les entreprises donc, qui vous intéressent. Vous tapez le mot. Alors, par exemple, Sismic, j'en sais rien, c'est comme on en parlait tout à l'heure. Vous appuyez sur Entrée, elle s'ajoute à votre liste et en fait vous pouvez en ajouter une grande quantité. Et après vous entrez votre adresse email, vous appuyez sur le bouton Envoyer et ce qui se passe c'est que tous les jours un email vous sera envoyé avec un condensé de l'actualité alors issue du site TechCrunch sur toutes les startups que vous avez sélectionnées. Donc ça vous fait en fait une petite newsletter en gros. De l'actualité des startups sélectionnées, personnelles, adaptées à ce que vous avez envie vraiment de suivre, et chaque jour. Alors, le principe est bien, j'aime bien le fond. Après, dans les limites, c'est que finalement, c'est issu de TechCrunch, et du coup, bah, pour le moment, c'est uniquement les infos qui sortent de ce site. Donc, éventuellement, une idée. Enfin, le concept est bon, mais je pense que ça pourrait être sympa de l'élargir. Et ça, ouais, ça, en tout cas, c'est un bon potentiel, voire d'utiliser peut-être plus le principe de flux RSS. Parce que l'email, finalement, ça aussi, c'est peut-être un peu une limite, dans le sens où pour tout ce qui est actualité, on utilise nettement plus les flux RSS maintenant que les mailings, en fait. Donc je sais pas, est-ce que tu l'as essayé? Je l'ai mis un peu au dernier moment, donc je ne suis pas sûr que tu aies pu Ouais, l'essayer. non, j'ai pas eu le temps du tout. Mais Mais je suis après... assez d'accord sur Ouais. ce que tu, en fait, sur les points que tu as dit. Le côté RSS, en fait, moi j'ai imaginé ça en fait au tout début quand tu m'as dit ça. Puis en fait, non, c'est mail. Voilà, donc déjà ça c'est vrai que c'est un peu dépassé dans le fond, mais bon. Donc continue. Bon, pas si dépassé que ça, je réutilise le mail de plus en plus, figure-toi. Oui, non, je suis d'accord, mais pas pour tout ce qui est news. Le mail reste, je dis, News, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup moins intéressant. voilà, ça reste le flux RSS. L'email, je dis pas que l'email est dépassé, je dis qu'il n'est pas adapté. C'est vrai, ouais, enfin, je me suis un peu trompé dans mes termes. Il est plutôt pas adapté à ce genre de service. Mais après, en plus, je sais pas, toi, ça te gêne pas que ça soit limité à TechCrunch, enfin, que ça soit issu de, ça pourrait être Ouais, c'est intéressant le petit si. point en fait qui m'embêtait, c'est que j'allais dire que c'était pas mal pour Ben de Niptech, qui aurait beaucoup aimé ce genre de projet qui permet d'agréger encore, on y revient toujours, voilà, les startups. Mais là, c'est vrai que c'est limité à TechCrunch. Alors, c'est quand même quelque chose de gros, TechCrunch, mais c'est vrai que ça ferait pas mal d'élargir pour éventuellement suivre les boîtes un peu plus petites qui sont indépendantes peut-être. Ouais, donc voilà, si vous êtes un développeur fou et que vous avez envie de monter un Élargissez. petit site sympa, bah, montez un un site à la startup Follower qui va chercher les news un peu partout sur le web. Enfin voilà, en tout cas, ça existe dès maintenant pour les news TechCrunch et c'est sur startupfollower.com. Je te laisse la parole, William. Alors, c'est shuttle.net, pardon, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, ce site, en fait, il est un petit peu spécial. Moi, je l'adore, en fait, mais c'est par rapport à une référence à une série que je regarde. Peut-être vous connaissez aussi, c'est How I Met Your Mother. Mm-hmm. Il y a un personnage qui s'appelle Marshall et qui, à un moment, en fait, est devenu un petit peu fou des graphiques. Et il ne parlait plus que ça, en fait. Ouais. Quand il disait qu'il aimait la bière, il mettait un graphique qui disait qu'il aimait la bière à 90%, etc., en forme de camembert. Et à tout moment, voilà. Il sortait un graphique. En fait, ouais, tout à fait. Et bah, ce site-là, en fait, permet tout à fait de faire ça. Donc, on peut éditer exactement son petit camembert comme on veut. On met les légendes, les couleurs, les valeurs. On peut l'afficher si on veut. Bah, la manière, en fait, qu'on peut avoir dans les Microsoft Office ou Open Office. Mmh. LibreOffice, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. LibreOffice. On a tous les types de graphiques. Tous les types de graphiques. On a, voilà. Donc, on peut vraiment éditer tous ces graphiques comme on le souhaite, avec la légende comme on veut. Enfin, voilà. Et voilà, c'est tout simple. On a juste à appuyer sur le bouton Create. Et on n'a même pas besoin de s'enregistrer. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis ensuite, on a le petit lien pour l'envoyer directement et le partager voilà, avec qui on veut. Ok, très bien. Et donc, ouais, l'intérêt, c'est que justement, c'est le partage. Parce que finalement, la création peut être faite sur n'importe quel logiciel. C'est que là, on peut directement le balancer sur les réseaux sociaux, par email, par ce qu'on veut. Quoi. C'est ça ? Ouais, voilà. C'est pour embêter tout le monde à parler uniquement en graphique. Ah, voilà. Ça me plaît énormément. Je t'avoue que là, je découvre en même temps que les auditeurs. Et je crois que je vais l'utiliser, mais sans limite, parce que faire des graphiques sur vraiment tout et n'importe quoi, c'est vrai qu'il y a... Ouais, en fait, c'est ça que je pense qui est meilleur, c'est quand tu le fais sur n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc, très intéressant, c'est shuttle.net. Et c'est en bêta, c'est ça ? Ouais, ça a l'air d'être en bêta. Je dis ça, mais je... Ouais, ils sont passés en bêta, ouais. Mais au niveau des manipulations de ce qu'on peut faire avec les graphiques, il y a vraiment un large... Enfin, il y a tout ce qu'on veut, c'est ça ? Alors, ouais. Je ne suis pas expert en graphisme. Graphique, non, plutôt. Ouais. Mais j'ai remarqué que c'était un petit peu pareil que sur le OpenOffice que j'utilisais. C'est-à-dire que, tu sais, tu as les graphiques en points. Oui, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités, en fait. Il n'y a pas beaucoup de limites, quoi. Enfin, non, on peut vraiment faire l'ensemble des... Ouais, c'est assez... C'est assez poussé, finalement. Tu peux changer tout, un petit peu tout. Ok, super intéressant. Shuttle.net. Moi, je vais enchaîner avec SmoothUp. Ouais, SmoothUp, oui, ça doit se dire comme ça, smoothup.com. Alors, c'est le premier site de colocation par affinité. Donc ça, c'est leur slogan. Moi, ça me plaît pas trop, finalement. En fait, je trouve qu'ils apportent pas le... Enfin, leur publicité n'est pas vraiment ce que représente le produit, en fait. Parce que quand on regarde bien, finalement, on a trois possibilités quand on arrive sur ce site. On peut donc soit chercher une place dans une colocation, soit proposer une place dans notre colocation, soit former une colocation. Le seul aspect, donc ça c'est commun à tous les sites finalement qui font la même chose. Le seul aspect qu'on a en plus, c'est que y a un aspect social. Donc il y a certains critères qui sont affichés sur les annonces, comme par exemple, donc là j'ai un exemple sous les yeux qui dit je suis actif, célibataire, non fumeur, qui n'aime pas les animaux, qui est toujours partant pour des soirées. Voilà, donc il y a le descriptif en fait des partenaires de des colocataires finalement qui est affiché en même temps que l'annonce bête et méchante avec par exemple un petit descriptif donc de chaque colocataire, les goûts et les envies de chacun et les petits plus qu'apporte la colocation. Donc pour moi finalement c'est pas en fait c'est pas par affinité, c'est juste enfin comment... Quand ils disent que c'est une recherche de colocation par affinité, c'est pas exactement ça. Finalement, moi, je vois plus le système comme deux sites en un, Parce que non seulement on a la recherche de location, enfin de colocation, et en même temps on a l'aspect en fait purement mythique, enfin site de rencontre quoi. Parce que le principe d'une colocation, c'est pas forcément de partager les mêmes goûts et les mêmes envies, étant donné qu'on est juste censé partager le lieu. Donc là, en fait, à vouloir rechercher forcément la personne, on va mélanger les deux choses. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. On va mélanger le côté je recherche l'âme sœur et en même temps je recherche le colocataire parfait, enfin une colocation parfaite, quoi. Et donc je sais pas du tout, moi ça c'est mon avis. William, t'as un avis là-dessus ou je pars complètement dans mon délire? Mais peut-être que les gens recherchent ça. Peut-être qu'ils veulent aussi un coloc et en même temps un âme sœur. Ouais, mais enfin je sais pas pourquoi, moi ça me fait peur en fait de dire que les personnes puissent connaître la enfin puissent chercher en fonction de critères une colocation, parce que finalement autant enlever le côté recherche de colocataire, on cherche juste bêtement quelqu'un pour partager le lit et pour c'est des annonces style mythique. Ça revient en fait, je Non, vois. mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est pour éviter d'avoir des trop grosses surprises et d'arriver en coloc avec quelqu'un, je sais pas, qui va écouter par exemple du métal à fond alors que toi t'écoutes, je sais pas, du classique, tu vois. Mais en fait, je Et suis d'accord dans le enfin, tu vois ce que je veux concept. dire, c'est de pas avoir un gros choc, comme ça tu sais à quoi t'attendre en fait. Je pense que l'idée était là. Après, ils ont étendu un peu à peut-être trop de détails, peut-être, mais. Moi, il y a, enfin, simplement, il y a quelques petites choses qui me dérangent. Le fait de savoir si c'est une femme ou un homme ne devrait même pas être affiché. Enfin, finalement, on s'en fout. Le fait de savoir s'il est célibataire ou non, je vois pas qu'est-ce que ça va à faire là. C'est pas une manière de Ça vie. oui. C'est pas une Après, par contre, manière si de tu veux vivre. rester avec. Enfin, je sais pas Vas-y. si tu vois vraiment ce que je veux dire, mais c'est des critères qui changent pas en fait vraiment la manière de vivre de la personne. Alors le pire du pire, et je viens de le voir, j'avais jamais vu, il y a marqué recherche femme entre 16 et 25 ans, recherche machin. Enfin, je trouve ça assez moyen dans le fond, puisque Mais enfin, en fait, il y a deux visions de le voir. Enfin, ouais. moi, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que je peux comprendre que ça gêne, mais il y a deux visions de le voir, c'est-à-dire que tu peux avoir la vision un petit peu comme toi qui va être un petit peu choquée, il va dire tiens, c'est pas normal, etc. Et il va y avoir l'autre partie, bah, je sais pas, t'as 18-19 ans, je sais pas, tu vas en BTS, tu vas en IUT, en prépa, ce que tu veux. T'as pas forcément envie d'aller en coloc avec quelqu'un, je sais pas, de 28 ans, ou peut-être que tu veux, ou peut-être que tu veux pas. Enfin, tu vois, ça permet un peu de cibler, genre t'as pas envie d'aller avec un mec pour pas t'embêter, donc hop, tu prends une fille, et comme ça tu restes deux filles ensemble, par exemple, tu vois, et il y aura peut-être moins de problèmes. Ou... Ouais, mais enfin, Tu vois, je peux le voir comme ça aussi, quoi. je suis d'accord, mais tu es forcément tenté de chercher non seulement la personne que tu vas avec qui tu vas bien t'entendre, mais donc par définition avec qui tu t'as de fortes chances de bien bien t'entendre. Donc en fait, le problème, c'est que je pense que avec certains critères qu'ils ont rajoutés et qui n'ont pas à être là, on passe le cap du simple site de recherche de colocation. Au site carrément de rencontre quoi. Et il y a certaines choses qui me dérangent dans leur manière de faire. Donc oui, le fond est bien, mais la forme, il y a des choses qui me déplaisent et je pense que ça a rien, certaines choses n'ont rien à faire là en fait. Mais oui, le principe me plaît bien, et même quand j'ai vu en fait le titre, enfin leur slogan en fait qui était affiché. Moi, je me suis dit, c'est une excellente idée, parce que enfin, même moi, j'en aurais eu besoin. Je pense que tous les étudiants en auraient eu besoin à un moment ou à un autre. Mais dès que je suis arrivé sur le truc, je me suis dit, les gens doivent être là pour finalement cacher leur envie d'aller sur des, enfin, ils ont pas envie de se montrer sur des sites de rencontre, du coup, ils vont aller là. Et je sais pas, dans le contenu des annonces, dans ce qui était écrit, ça m'a déplu, quoi. Voilà, c'est mon avis. D'accord. En tout cas, bah, vous pouvez vous faire votre propre avis sur smoothup.com. T'avais quelque chose à rajouter ou pas, William? Non, non, tu as été assez complet. Non, bah, enfin, après, c'est mon avis, hein, c'est pas du tout. J'impose rien du tout. Mais ouais, si éventuellement vous voulez nous mettre des commentaires pour qu'on ait quelques retours sur vos avis, ça nous intéresse parce que voilà, ça peut porter un débat éventuellement, même dans une future émission. Pourquoi pas, laissez-nous vos avis en commentaire d'émission, s'il vous plaît. Ou dans la chatroom, là, je ne sais pas si les gens réagissent, mais ça pourrait être intéressant. Du coup, on va pas tarder à lancer la section Actu et Tips. William, tu nous parles de téléphone perdu. Oui, ça va être le site I can't find my phone. Et en fait, alors, je vais faire un petit appel, peut-être que les gens arriveront mieux que moi. Alors, au début, il n'y avait pas du tout la possibilité de faire en dehors des États-Unis. Donc, c'était pour retrouver son téléphone si on l'avait perdu, juste le faire sonner en fait. Et depuis, il y a une petite mention en fait, si on n'est pas dans les États-Unis, donc on clique dessus et il permet de mettre en fait le numéro de. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais de chaque pays internationalement pour arriver dessus. L'indicatif. Donc pour la. Pardon? L'indicatif. Merci, l'indicatif. Et donc nous, apparemment, en France, c'est le 33. Et j'ai essayé et ça ne marche pas, chez moi en tout cas. Donc si des gens peuvent essayer à leur tour chez eux pour me dire si ça marche ou pas, parce que moi, ça n'a pas fonctionné en fait. Alors, j'ai pas Donc je suis essayé un et petit peu déçu. je vais pas le faire en live parce que j'ai pas spécialement envie de montrer Oh, mon tu numéro de pourrais. téléphone. Mais non, j'ai pas envie de montrer mon numéro de téléphone. Mais normalement, oui, l'indicatif pour la France, c'est le 33. Mais dans le fond, ça fait Ouais, quoi? Ça le fait juste sonner, en fait, c'est ça? Ça. normalement, voilà, ça le fait sonner. Donc ça te permet de le retrouver facilement ensuite, si tu as laissé sur le canapé, en dessous, sous les coussins, voilà. Alors, bon, très bien, hein, mais sincèrement, surtout maintenant. Tous les téléphones, enfin tous les HTC sous Android avaient déjà la fonction avec, je sais plus comment ça s'appelle, enfin la fonction pour localiser son Alors téléphone. non. Alors je vais te préciser là-dessus. Alors par exemple, ouais, alors il y a des applications dans l'Android Market qui peuvent le faire. Ensuite, HTC a intégré de base htcsense.com Voilà. sur .com sur les deux derniers qui sont sortis et sur les prochains qui sortiront. Donc là, il y a ce point-là. Et en fait, au niveau iPhone, Bah, ça alors vient l'iPhone d'arriver, 4 donc. permet juste de le localiser gratuitement. Et sinon, il faut payer MobileMe à 99 $ par mois. Par an, Oui, mais pardon. enfin le fond, enfin le service qui permet de localiser est maintenant accessible gratuitement. Je l'ai utilisé et j'ai aucun problème. Par exemple, moi, tu vois, sur l'iPhone 3GS, qui va partir bientôt, je le dirai plus tard dans les prochains projets, là, eh bien, je n'ai pas moyen de le localiser, si je le perds, par exemple. Il faut que je paye MobileMe à 99 $, Ah, tu c'est vois. que pour les iPhone 4? C'est que l'iPhone 4 et c'est que localisé. Tu peux rien faire Oui, d'autre. non, je sais que mobile, mais alors, il y a deux choses. Déjà, je savais pas que c'était pour iPhone 4, donc oui, effectivement, voilà, I can't find my phone.com, ça peut être utile. Cela dit, j'ai cru voir des news qui disent que Steve Jobs avait quand même a fait comprendre que MobileMe pour 2011 allait être amélioré et sûrement encore plus de choses allaient être rendues gratuites. Donc, C'est une annonce officielle, ça, ou c'est des rumeurs qui courent? c'est des rumeurs officielles, on va dire ça comme ça. D'accord. Non, mais enfin. Et dans le fond, mais pourquoi ils ont limité on dérive un peu, mais ça reste dans la localisation de téléphone. Pourquoi ils ont limité à l'iPhone 4? T'as des C'est infos? purement commercial. C'est tu vois, c'est D'accord. comme à chaque génération, par exemple. Maintenant, l'iPhone 3G, par exemple, tu sais, il est amputé de quelques fonctionnalités sur le dernier OS, quoi. Et ben voilà, c'est ça en fait. Ouais, Il y a à peu office. près deux téléphones toujours actuels, tu sais, en service, et celui d'après, il est limité en fonction à chaque fois. C'est Officiellement, ils pour font. mettre en avant en fait les derniers, quoi. Ouais, officiellement, ils font passer ça pour dire que bah, sinon ça ralentirait trop, mais en fait, c'est Voilà, juste qu'ils veulent voilà, qu'on c'est passe à la ça. génération d'après. C'est Apple, on les connaît. D'accord, bon, bah, I can't find my phone.com pour tous les utilisateurs de téléphone en général et pour les iPhone 3GS qui sont un peu frustrés. Ouais. On va passer à mais mince, j'ai pas le lien dans. Alors j'ai. Bon bah c'est pas grave, on va faire sans. À un site qui s'appelle Bender Bender Converter. Converter, c'est ça. Ah bah si, j'ai le lien, je dis n'importe quoi. BenderConverter.com. Ça va être très simple. En gros, vous choisissez. Il y a trois étapes. Première étape, vous choisissez un format audio, vidéo ou image pour les plus fous. Voilà, vous choisissez le format. Ensuite, deuxième étape, vous envoyez le lien de la vidéo issue d'un des services connus de streaming vidéo. Donc vous entrez ce lien. Alors tous les services sont répertoriés au-dessus de, enfin, dans le site benderconverter.com. Entre autres, on a YouTube, Dailymotion, Mega Video, Vimeo, Tweetvid, VO, enfin bon, Google Vidéo, il y en a plein. Vous entrez le lien et troisième étape, vous appuyez sur Convert. Il y a, donc voilà, c'est en trois étapes, c'est simple. Il y a énormément de services qui proposent ça maintenant. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de formats possibles. Donc uniquement audio, uniquement, des formats vidéo. Et vraiment, pour les grands tarés, il y a des formats GIF ou même JPEG avec deux images par seconde ou cinq images par seconde. Je vois pas bien l'intérêt, mais bon, voilà. Voilà, donc vous pouvez tout convertir et ça fonctionne très bien. Après, je sais pas si ça existe. Enfin, je sais que ça existe, mais je sais pas si Bender Converter le fait. Je crois pas. Moi, ce qui m'intéresse en fait sur ce genre de service, c'est d'avoir des extensions en fait pour les navigateurs ou des plugins qui permettent en fait de pas avoir à retourner toujours sur le site, mais à utiliser directement depuis quand on est sur la page de la vidéo en cours, de pouvoir télécharger. Alors moi, j'utilise un plugin d'ailleurs, je ne sais pas comment il s'appelle, je vais vous le dire en live. Qui permet... Alors moi, je sais qu'il y en a plein qui le font, mais peut-être pas aussi complet, parce que là, tu as vraiment la possibilité quasiment de le mettre dans presque tous les formats qu'on utilise. Voilà. Moi, je sais qu'il y avait quelque chose, je crois que c'était Download Helper ou plein de choses comme ça. Nos plugins Firefox ou Chrome, c'est la base de données des plugins sont équivalentes sur les deux navigateurs. C'est ça. Et, et ça permettait juste de télécharger, je crois qu'il le téléchargeait en format flash ou en point .avi. Enfin, c'était quelque chose d'assez basique. Ouais. Bah, finalement, ouais, c'est vrai. Là, je me rends compte. En fait, mon extension, c'est Easy YouTube Video Downloader pour Chrome. Et donc, voilà, ça se limite à YouTube. Alors que là, c'est vrai que le site dont on parle, il est quand même extrêmement large au niveau des plateformes supportées et des formats supportés. Cela dit, moi, avec l'extension Easy YouTube Video Downloader, je peux télécharger en 720p, 1080p. Je ne sais pas à quoi se limitent les formats en fait qui sont de. T'as pu tester le téléchargement en format vidéo ? Ah non. Non. J'ai pas du tout testé par contre. D'accord, parce que j'ai testé, mais comme j'avais pas beaucoup de temps, je l'ai fait avec juste de l'audio pour voir s'il enlevait juste, comment il faisait. Et ça fonctionne très bien, mais il laisse juste l'audio. Donc je pense qu'il prend la qualité la plus haute quand on choisit le format vidéo. Voilà, ouais, c'est celle qui est disponible quand tu, ouais, mais, tu fais ta vidéo. Mais je parle sans savoir, donc voilà, ça sera à tester. En tout cas, voilà, si vous arrivez pas à trouver. Si vous n'avez pas une extension qui rentre pas j'ai du mal à trouver mes mots, qui n'arrive pas à convertir sous tous ces formats-là ou qui n'arrive pas à supporter toutes ces plateformes-là, vous avez toujours Bender Converter à mettre dans vos petits favoris pour pouvoir tout convertir de n'importe où à n'importe quoi. Voilà, c'est tout et je vais laisser Will pour les deux prochaines news. C'est DM Cleaner, si je me souviens bien. Là, on va attaquer tout ce qui est Twitter. En fait, on a trois actu tips Twitter. On a une petite vague de tweets qui arrive. Voilà, c'est ça. Allez, je te laisse parler. Alors, le premier, c'est DM Cleaner. Bon, je pense que c'est assez facile de deviner ce qu'il va faire. Il va nettoyer nos DM. Alors, j'ai pu l'essayer. J'avais pas énormément de DM. Je devais en avoir peut-être 300, 400. Et donc, c'était assez pénible pour se retrouver, parce que selon les clients Twitter, ils sont pas très bien rangés, etc. Et donc j'avais besoin un petit peu de faire une remise à zéro de tout ça. Donc on rentre ses logins, il met quelques temps quand même. J'ai pas regardé, mais il m'a mis quelques minutes, je crois bien. Et il s'occupe vraiment de tout nettoyer, et j'ai eu une belle remise à zéro donc de tous mes DM pour pouvoir repartir ensuite sur des conversations, etc. Donc il marche très bien. Et donc il y a toujours l'idée de donner ces logs que tu as peut-être pas aimé, Mathieu. Ouais, j'en avais déjà parlé dans plein d'émissions, je vais pas refaire le mais il fonctionne très très bien. Ok, ouais, bon, bah voilà, moi tu as résumé mon idée sur la question. mais ouais, donc en gros, quand, est-ce Il y a une interface. Il supprime quoi? Enfin, il supprime tout ou il te laisse le choix de. TDM en fait. Il prend tout TDM et hop. Ouais, parce que ce qui pourrait être intéressant, c'est sous forme de. Enfin, sous une interface en fait plus simple que celle de Twitter, de pouvoir supprimer des vagues entières de DM. Mais parce que là, il supprime tout sans faire de tri, sans rien. C'est. Attends, parce que je l'ai vérifié la semaine dernière, donc je vais le re-regarder pour voir s'il n'y a pas des petites configurations à mettre à côté. Mais Parce c'est que vrai moi, ce que je suis en train de que. lire en fait sur le site de DM Cleaner, bon, je t'avoue que je ne l'ai pas du tout testé, voilà, qu'en gros, en quelques clics, on peut soit supprimer l'ensemble de ces DM, soit seulement en supprimer quelques-uns. Si. Alors, Enfin. donc là, je l'ai remis. Ouais. Parce que je l'avais enlevé en fait de mes autorisations, parce que bah, j'avais fini de l'utiliser. Donc là, je l'ai remis dans mes autorisations. Et donc là, en fait, tu as trois possibilités. Globalement, c'est d'enlever tous tes DM, soit ceux qui sont, enfin, tous ceux qui sont reçus et tous ceux qui sont envoyés. Après, les autres, c'est un peu spécifique, quoi. C'est enlever les DM des personnes que tu as bloquées, par exemple. Toi. Donc, c'est des trucs un peu spécifiques. D'accord. Ouais, mais ça, c'est pas mal, justement. C'est le genre d'option, moi, qui m'intéresse. D'accord. Bon, bah voilà. Ok. Y en a d'autres, là, des options un peu comme ça, parce que. Alors, tu peux enlever les DM que d'une personne, ceux par exemple qui sont bloqués, ceux à partir d'une certaine date, si tu veux faire un petit reset D'accord, pour le mois de ouais. janvier par exemple, pour repartir sur une belle année, et ceux qui contiennent un certain mot, quoi. Donc, je sais pas si tu as parlé d'iPhone dans tes DM, bah, tous ceux qui ont iPhone dedans, hop, ils sautent. Ok, ouais, d'accord, je vois bien. Voilà, donc c'est plein de petites options comme ça. Ok, bon, non, ça me plaît bien alors, même si on doit quand même accepter de partager toutes ces Ouais. informations. Donc voilà, c'est DM Cleaner, vous avez toutes ces petites possibilités-là. Tu nous parles de Who Doesn't Follow You? Oui. Alors le site, c'est pas exactement ce nom-là, c'est friendorfollow.com. Et c'est très simple aussi, c'est qu'on rentre comment dire, son nom Twitter, enfin le nom Twitter ou le nom de Twitter de la personne qu'on veut vérifier. On veut vérifier sur ce service-là, je vais y arriver. Et en fait, ça permet de savoir le nombre de personnes qu'on va dire qu'on va suivre, mais qui ne nous suivent pas en retour. Donc ça permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, parce que souvent, moi, j'ai follow pas mal de personnes, ils m'ont suivi en retour, et puis hop, après, elles ont disparu, je les intéresse plus, etc. Et puis bah, c'est vrai que c'est pas mal de savoir où est-ce que tu en es un petit peu, et de faire un petit peu le ménage. Parce que c'est vrai que tu suis pas mal de personnes, et puis tu dis, c'est vrai que je sais même pas pourquoi je les suis. Et là, ça permet de faire un petit peu le ménage. Ouais, alors je suis en train de le faire en live. Toi personnellement, tu as à peu près combien de personnes qui te Alors c'est refollow? un petit peu faussé dans le sens où je suis tu sais, des comptes un peu qui ont des milliers de milliers de followers, quoi, ce genre de choses, ou alors des comptes comme par exemple TheDudeBar ou Zigbox, pour ne pas les citer. Donc eux, forcément, ils vont pas me follow en retour, Ouais. mais j'en ai à peu près une dizaine en les comptant, 11, 11 pour être précis. Ok, bon bah j'en ai Mais j'ai 63. fait le ménage tout à l'heure. Ok, bah c'est très bien comme petit service, c'est sympa. Je connaissais pas et c'est sympa. On peut du coup harceler les personnes qui ne veulent pas Voilà, tout à nous fait. follow en retour. Ah bah tiens, je découvre des choses assez intéressantes. Enfin bon, bah justement je vais continuer avec Twitter. Et alors là, un service dont je n'ai toujours pas compris l'intérêt. Mais je pense que quelqu'un qui utilise Twitter régulièrement pourra m'expliquer. Alors ça s'appelle clocktweets.com et en gros, ça vous permet tout simplement de programmer vos tweets dans le futur. Donc c'est bête, bête comme chou, vous appuyez sur bon, essayez maintenant et vous avez trois choses à remplir, votre tweet, la date à laquelle vous voulez que votre tweet soit envoyé et la troisième chose, c'est l'heure, oui, l'heure à laquelle vous voulez que ça soit envoyé. Du coup, ça vous l'envoie à la date et à l'heure prévue. Il y a déjà 6512 tweets qui ont été programmés. Alors, voilà, allez savoir pour quoi et quand. Et en gros, moi, qui n'utilise pas énormément Twitter, je vois absolument aucun intérêt à programmer un tweet à l'avance. Est-ce que Tu veux que William, je t'en propose un? ouais, je veux bien. Et est-ce que la chatroom aussi peut nous en lancer en retour des idées? Parce que moi, j'ai eu beau chercher, à part pour le nouvel an peut-être, j'en ai pas trouvé. Bah, il y en a un qui nous concerne en fait directement. C'est tu mets par exemple à 19h, dans 2 heures, les projets du web. Et voilà. Tu Ouais, vois? enfin, le problème, Ça c'est peut que être un tweet automatique, tu vois, qui peut être intéressant, quoi. Tout c'est. bête, mais. Alors, il y a. Ouais, déjà, je vois pas trop l'intérêt, étant donné que ça prend 3 secondes et que le faire à 19h ou le faire à 21h, ça revient relativement à la même chose. Et Oui, en. mais si t'as peur, tu vas de l'oublier parce que t'as du boulot, etc. Hop, tu te le programmes la veille, par exemple, et hop, ça te le fait automatiquement. Ouais, bon, ok. Non, non, j'accepte. Cela dit. Après, s'il y a un éventuel problème, en fait, par exemple, j'en sais rien, si on est obligé de supprimer l'émission, ou même, enfin, dans n'importe quel cas qui se présente, si on doit se retrouver à annuler ce qu'on a fait, on n'a aucun moyen, ou du moins, j'en ai pas vu, parce que j'ai essayé d'en programmer un. D'ailleurs, il n'est pas prêt d'arriver, mais bon, voilà. Eh ben, j'ai pas vu de moyen d'annuler en fait un tweet qui était envoyé, parce qu'on n'a pas de compte, enfin, on n'a rien. Sur ce site-là, une fois que c'est mis dans leur base, et puis voilà quoi. Ah d'accord, tu n'as pas de login pour avoir un historique finalement et Ben, un peu éditer une commande si tu veux, je n'en ai par pas exemple. vu, donc je l'ai fait comme ça en quelques minutes tout à l'heure. Enfin voilà, j'ai pas vu, ou en tout cas c'était pas clair, ça a pas été vraiment suffisamment mis en avant. Le fait de pouvoir supprimer justement les tweets programmés quoi. Donc voilà, bon, si éventuellement je suppose que le fait parce que pareil on doit se connecter à Twitter et accepter en fait le partage de enfin, l'API en fait et je suppose qu'en enlevant justement l'accord de l'API Twitter à CloakTweet on doit supprimer finalement le fait que le Oui, tweet soit envoyé à je pense notre que ça propre nom. fonctionne, ouais. Donc voilà, mais ça supprime l'ensemble aussi des tweets programmés qu'on a fait quoi. Enfin Ah oui, ça les évidemment, supprime pas, ça mais de refuse tout l'accès, mais. donc voilà, c'est un peu c'est ça qui m'embête. J'ai pas trouvé, donc faudra que je reteste à tête reposée avec un peu plus de temps. Je vous le dirai dans une prochaine émission, mais voilà, c'est ça. Et est-ce que Will, tu as vu des retours sur la chatroom des possibles utilisations de ce service? Jamais. Non, pas encore. D'accord, bon, bah, de toute manière, ils doivent sûrement déjà dormir. non, mais merci encore à vous d'être là. Ok, bon, ben. Ah non, on n'en a même pas encore fini avec Twitter, Ah non, il en reste un. puisque tu vas nous parler de A World of Tweets. Yes. Ce site-là, en fait, alors, il sert absolument à rien, mais je l'adore. C'est vrai C'est qu'il. une map, donc bah, du monde, hein, tout simplement. Et on va avoir quelques petites options, notamment la 3D. Alors, il faudrait que j'essaie avec des lunettes 3D. J'en ai pas sous la main là, mais je vais essayer. Et donc sur la carte du monde, on a les tweets en fait qui arrivent. Et bah, évidemment, aux endroits. Comment dire? Ça fait un petit peu comme les agglomérations. Donc là, on est en soirée, donc on a pas mal de tweets sur toute l'Europe. Et voilà. Et donc ensuite, on peut le faire en un petit peu à la Splinter Cell, c'est-à-dire on l'a sous forme de. Aide-moi, Mathieu, comment ça s'appelle? Oh, Truc thermique là. je pourrais, bah voilà une vue. Oh, je pourrais pas te dire, hein, je suis pas très. Ah, c'est les vues thermiques, voilà. Les vues thermiques, disons, en rouge et bleu. Ouais. Voilà, on a ça. On a plus en espèce de fumée, de nuage, un petit peu. On peut avoir une vue satellite, etc. Donc, on a plein de petites options qu'on peut éditer, dont la 3D. Voilà, donc Il là faudra essayer. pour la chatroom, si vous êtes chez vous avec des lunettes 3D, je suis normalement en train de streamer la vidéo ben en Ouais. 3D. Donc, donc Vous allez si avoir le monde vous. qui va sortir devant vous. C'est ça, on est en train de streamer le monde entier des tweets en 3D. Mais c'est Et par sympa. contre, Ouais. du coup, c'est en temps réel et en fait, ça s'accumule. Hein, parce qu'en fait, tu vois, c'est des gouttes qui tombent. Et moi, par exemple, j'ai les États-Unis côte est et l'Europe qui est vraiment très, très. Qui commence à prendre de la place, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a certaines. C'est là qu'on en fait on voit vraiment les régions qui sont vraiment Éveillé. importantes quoi. et qui sont importantes dans le sens où qui sont importantes pour sur Twitter quoi, qui sont actives. C'est amusant aussi de voir certains tweets où ils viennent. Mm. Quand on voit au milieu de la Sibérie des tweets. Ouais, il y en a certains qui sont quand même étranges. Alors, il y a des pays qui tweetent absolument pas aussi, ah oui. Mais qui sont étonnants en fait. Dans, peut-être aussi où Twitter est bloqué. Ah, si tu vois ce que je veux dire. C'est possible. j'avais pas forcément pensé à ça. Ouais, donc voilà, c'est aussi une solution. Ah, Nirus me dit le thermal goggles. Ah, effectivement, c'est lunettes ça. Thermiques, merci. Lunettes thermiques. Ok, bon, bah c'est ça. Et tu avais autre chose à rajouter là-dessus? Non, non, c'est un service tout bête, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ok, mais alors le truc, c'est que finalement, est-ce que tu y passes vraiment du temps derrière ce site? Parce qu'il y a, en fait, à part. En quelques secondes, on s'ennuie. Non? Mais non, mais tu vois, ça fait un petit fond d'écran animé. Ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est amusant en fait de voir les tweets un petit peu où est-ce qu'ils sont et à quel rythme, quel débit. Ouais, mais là ça c'est pour le côté esthétique, mais finalement ce qui est presque plus intéressant c'est de descendre en dessous de la carte et de voir les stats en pourcentage et en. Et, oui, après c'est vrai qu'on peut regarder un peu plus en profondeur, voir un petit peu réellement où est-ce que c'est, combien. Ouais. Donc voilà, enfin il est complet quoi, il n'y a pas que le côté sympa de la carte. Voilà, vous avez tout ça sur. Alors bizarrement, c'est Frog Design en fait qui propose ce service, si j'ai bien compris. Et du coup l'adresse est un peu longue, donc je vous la mettrai dans les notes de l'émission. Ah, ils oublient qu'il les essaye avec ses lunettes. Ah bon. Il dit que ça marche pas. Oh. Bon, bah, on verra plus tard alors. Pour la 3D, je vais enchaîner avec un petit service alors qui m'a plu, mais alors j'étais ravi quand j'ai vu ça. C'est Dailymotion en fait qui propose ça. L'adresse, pareil, elle est un petit peu compliquée, mais enfin bon, je vais la dire pour la chatroom. C'est dailymotion.com/sas/jtn. En fait, c'est pas compliqué du tout. Et vous pouvez en fait retrouver le journal télévisé de votre naissance. Enfin, en fait, vous pouvez retrouver le journal télévisé d'une date de n'importe quelle date voulue. Donc, vous rentrez simplement la date que vous voulez. Vous cliquez sur voir le journal et la vidéo, en fait, l'enregistrement du journal télévisé de l'époque apparaît devant vous. Donc il y en a quelques-uns qui sont pas disponibles. Ça remonte, je crois, à une grosse trentaine d'années maximum. Alors attendez, c'est marqué en dessous. Ça doit être une grosse trentaine d'années, mais c'est super intéressant quoi, parce que on peut revoir des événements importants en fait vus par le journal télévisé. Je me suis amusé à revoir des dates et en fait on se rend compte que qu'à certaines époques, c'était vu différemment. Ça a évolué à travers le temps. Et donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Certains journaux télé ont été bloqués aussi. Vous pouvez pas forcément les voir, mais ça au fur et à mesure, en fait, ça arrive et il les débloque et puis c'est en partenariat avec l'INA. Ça doit être l'Institut National Audiovisuel, quelque chose comme ça. William, tu l'as testé? Pas beaucoup, j'ai juste regardé un petit peu, mais j'aime beaucoup le concept en fait. Ouais. C'est vrai que de voir les anciens trucs, c'est assez amusant. Et ouais, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Le lien sera, je vous le rappelle, dans les notes de l'émission. On va finir. Ah non, il nous reste encore deux petits actus et tips. Tu nous parles de Bundlebox, c'est ça? Ou t'as deux choses en fait à nous parler là. C'est un peu. Ouais, il y a Bundlebox et MyUS. Ok. Alors ça va être un petit peu long, donc je vais un peu monopoliser la parole. Il n'y a pas de problème, Mathieu. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais commenter un petit peu par raconter ma vie. Il y a actuellement, en fait, il y a le Google Nexus S qui va sortir le 16 décembre, en fait, aux États-Unis. Et chez Best Buy. Et Best Buy, en fait, ne livre pas à l'étranger. Donc là, je me suis dit, comment faire pour avoir mon beau petit téléphone GSM? Eh bien, là, en fait, j'ai recherché un petit peu sur Internet. Et Lucas m'avait envoyé un site. Et je suis tombé sur le même, en fait. C'était MyUS. Et Bundlebox fait pareil. Donc, je vais vous présenter un petit peu ces deux services. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que donc Best Buy va envoyer, je prends cet exemple-là, va l'envoyer en fait à MyUS. MyUS en fait réserve une adresse postale à notre nom. Donc, ils envoient à cette adresse-là. Souvent, en plus, à l'intérieur des États-Unis, les frais de port sont gratuits, donc ça permet d'économiser cette partie-là. Et ensuite, MyUS ou Bundlebox vont se charger en fait de le rapatrier jusqu'à chez vous. Donc, la France, il n'y a pas de souci. Ou pour les amis francophones aussi, Belgique et Suisse normalement sont supportés. Et donc, ils s'occupent de le rapatrier chez vous. Alors, c'est généralement ça va de 2 à 5 jours ouvrés, selon si on prend disons, la version express ou pas. Et donc, voilà. Donc, ça permet vraiment de payer à l'étranger. Et donc, là, en l'occurrence, c'est aux États-Unis. Et généralement, c'est assez avantageux. Alors, ça dépend comment dire, de la marchandise. Et j'ai préférence sur Bundlebox en fait parce qu'il permet de calculer, il a un petit calcul, donc on met le poids, la dimension et la catégorie en fait. Si c'est un appareil électronique, des vêtements, etc. Et il va vous calculer les frais de douane éventuellement que vous pouvez avoir. Donc moi dans le cas d'un téléphone mobile, il n'y en a aucun. Et bien, ensuite il va rajouter les TVA. Donc il va tout calculer, les frais de port, il va prendre sa commission, il va tout mettre et il va vous afficher un prix. Et Et donc en voilà, termes donc il fait vraiment en toute une termes de estimation complète. commission en termes de commission, Pardon? ça s'élève à combien? Alors, c'est pas grand-chose, c'est pas ce qui est le plus. Alors, dans l'exemple de mon téléphone, en fait, eux ils prennent 6-7 dollars, même pas quoi. D'accord. En fait, c'est un pourcentage du produit. Ouais. Alors bon, peut-être pas par rapport à ce que toi t'as acheté, hein, je veux pas, mais qu'on ait une idée, ça revient vraiment cher ou c'est abordable finalement? Non, finalement, là j'ai regardé. Alors, si Xbox, comment dire, se trompe pas sur la TVA que je vais vendre. Et sur Oui. les frais de port, etc. Bah c'est très avantageux en fait. Pardon, tu coupes un peu en fait au niveau de la connexion. Et alors, Ah, pardon. tu C'est un peux petit peu répéter? mieux là? Oui. Tu D'accord. peux, tu peux pas, tu peux répéter, s'il te plaît. Alors je sais plus où t'es. Ouais, en termes de coût là, ça te revient pas si cher que ça, quoi, c'est ça, finalement. Non, c'est vraiment la commission qu'ils prennent est pas très chère. La partie qui va coûter cher en fait, c'est le rapatriement. Je vois, ils sont montés sur du. J'ai fait exprès de prendre des grosses dimensions au cas où que tu vois le téléphone soit dans un gros carton. D'accord. J'en ai eu pour, enfin, j'en aurais pour 50-60 dollars. Hein. Donc c'est extrêmement cher, je trouve, comme frais de port. Ok, on commence à Mais vraiment c'est souvent plus le très bien cas. t'entendre, William, quand même. On commence à t'entendre assez mal. Mais bon. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Ça dépend des moments. Donc ouais, ça reste relativement abordable. Et en tout cas, en termes de technique, c'est la seule technique qu'on peut avoir pour dans ce Ouais, genre voilà, de cas-là, c'est quoi. passé par un tiers en fait. Passer un. Parce que finalement, à part si on connaît quelqu'un qui peut nous faire en fait la manœuvre, c'est le seul moyen de faire ça. C'est Parce par qu'en une fait, entreprise. sinon, le cas qui va se passer, c'est qu'il faut connaître quelqu'un qui habite là-bas et à qui on a confiance Ouais. pour pouvoir échanger de l'argent, quoi. Qui puisse faire en fait l'intermédiaire entre nous et le D'accord, magasin directement. ouais. C'est vrai que j'ai pas précisé, il y a une petite option aussi. Parfois, les sites américains aussi bloquent les paiements en dehors, enfin les paiements par exemple, je sais pas, les visas européennes, quoi. Et Bundlebox et MyUS, en fait, peuvent payer à votre place. Donc ils payent à votre place, ils reçoivent le colis et ensuite ils vous l'envoient. D'accord. Donc, Donc dans tous les cas, si vous avez vraiment un objet aux États-Unis que vous voulez avoir, vous pouvez l'avoir. ok, bah c'est super ça. Donc, on a juste en fait à. En fait, nous, on les paye directement Enfin, on a que rapport financièrement avec eux et ils s'occupent Oui. du reste, quoi. Voilà. Ok, Et très j'ai vu bien. l'espèce de formulaire, c'est plutôt pas mal. En fait, ils vous demandent l'URL, les références, etc. du produit, une petite description, et la photo pour vraiment être sûr que c'est bien celui-là. Donc Ok. voilà, donc c'est plutôt assez complet. D'accord, ouais, c'est pas mal. Donc en Par plus, il contre, y a, faites y a... attention quand même aux frais de douane et aux frais de port et TVA qu'on va avoir. Les bundle box se calculent très bien avec le. Si tu avais un service à conseiller, pourquoi toi tu as utilisé Bundlebox, c'est ça? Je vais utiliser, je pense, Bundlebox, ouais. Ok. Justement à cause en fait de l'estimation bien complète qu'il fait. Il fait vraiment en fait un espèce de TTC en fait. D'accord. Alors que MyUS, il te donne quelques tableaux pour t'aider, mais globalement, c'est à toi d'aller chercher sur la douane, les TVA, etc. C'est des démarches plus personnelles. Ok. Bon, bah c'est très bien. Voilà. Donc Bundlebox et MyUS, si vous avez des produits à acheter aux États-Unis et que vous ne pouvez pas le faire directement. Bah voilà, on arrive au terme de cette émission qui finalement aura quand même duré bah, bien 50 minutes. Donc voilà, on reste dans la norme de d'habitude. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter avant qu'on clôture l'émission? Non, ça va, juste vilain Lucas qui a une mauvaise connexion. Ouais, ouais. Ok. Bon, bah donc, alors, si je me souviens bien, on se retrouve. Alors, attends, je suis un peu perdu. Est-ce que l'émission de. Parce que. Oui, elle a été annulée. Alors, normalement, la prochaine, elle pourra pas venir. Voilà, donc, on se retrouve dans 4 semaines, dans un mois, en fait. Si c'est bien ça. On Eh se bien, oui. retrouve, donc dans un mois, aux alentours donc du 8 janvier. Alors, on vous souhaite bah, de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bon, bah voilà, mangez pas trop de chocolat, mais faites la fête. Et puis, bonne fin d'année. Et ne buvez pas trop, attention. C'est ça. Bon, bah allez, à très bientôt. Merci encore. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur le site. Et bonne fin d'année. We'll be right back.